La matinale de 18h. L'émission décalée de Fadjet. Bonjour matinalien, matinalienne de la matinale de 18h du 28 juillet 2022. Vous êtes tous là et même Étienne est là. Ah oui. Bon, ah oui. Oh là là. Bonjour Étienne, ça va Étienne? Bonjour, ça va et vous? Bah écoute, ça va très bien. J'adore quand tu me vois, ça me donne un petit côté prestige que j'adore en tant que maître de cérémonie. Étienne est invité par Jocelyn qui est à l'heure. Et oui. Ça fait beaucoup de nouvelles choses pour cette dernière émission de la saison. Bah je me suis dit ça se fête, donc moi je le fête en arrivant plus tôt. Aussi Étienne, c'est notre meilleur auditeur, il a été élu meilleur auditeur et il a gagné le fait de venir nous voir. Je vous remercie d'ailleurs. Parce que Étienne, tu confirmes, tu nous as déjà écouté. Oui. D'accord, et t'as trouvé comment? Oh là. C'est vrai. Hilarant. Là, t'es pas du tout crédible, quoi. Non. On n'y croit pas du tout. On entend le billet dans ta poche, là. C'est certain. On sent que t'as été rémunéré pour le dire, donc c'est un peu rude. Alors, attends, je vais préparer. Oui, donc il y a plein de choses qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de météo, d'éphémérides, d'horoscope, d'invités politiques qu'on ne sait pas encore qui on va choisir comme invité politique. C'est bien cela? Exactement, mais c'est une matinale en fait. Bah, c'est une vraie matinale, mais à 18h. Voilà. C'est incroyable. C'est typiquement une matinale à 18h. Quoi. Et puis je précise aussi pour mes fans que j'ai été relégué effectivement après ma prestation en tant que chef maître de cérémonie. Voilà, c'est terminé. Il y a 2 semaines, jour pour jour. Il y a 2 semaines, ouais. 14 juillet, ça restera le meilleur moment de ma vie, je pense. Referas pas l'expérience? Je le referai peut-être, mais sur une autre radio. Sur une autre onde? Ah ouais, sur Radio Géricault. J'ai des tractations, j'ai des contrats. Sur Radio Géricault, bien sûr. D'accord, le fameux Radio Géricault qu'on salue et qui s'appelle plus Radio Géricault, mais Radio RCN pour Caraïbes Nationalistes, peut-être le N, je sais plus. Je pense que c'est nazi. Peut-être. J'en suis pas sûr. À voir. On attaque tout de suite le journal parce que il y a des gens qui attendent impatiemment le journal de la matinale de 18h et on le comprend, l'actualité est tellement riche en événements. Il est 18h et quelques, c'est le journal de la matinale. On commence tout de suite par les informations nationales et internationales avec James. Les incendies en Gironde seraient en fait dus à un violent affrontement entre des pins et des peupliers qui auraient dégénéré. Les enquêteurs ont finalement écarté la piste du pyromane humain et privilégient désormais la piste de la guérilla ethnique entre deux races ennemies depuis des siècles. Le feu serait donc issu d'un kamikaze peuplier qui se serait jeté dans un quartier de pins en représailles de déclarations violentes qu'aurait eu le chef des pins. Il faut savoir qu'un médiateur champêtre a été dépêché pour que la situation ne s'étende pas aux autres forêts françaises. Oui. Alors, ne faisons pas d'amalgame non plus sur les peupliers. Tous les peupliers ne sont pas forcément des pyromanes. Voilà, il s'agit probablement d'extrémistes peupliers. Tout à fait. Ce samedi, c'est la première étape du Tour de France en chaise de bureau. On s'attend à des performances un peu plus modestes que les années passées, la faute notamment aux 2 années de télétravail qui ont empêché les coureurs de s'entraîner avec du bon matériel. Cette première étape partira d'Osaka au Japon et sera un contre-la-montre de 14 km où les coureurs devront pointer au début et à l'arrivée. Ah oui, ce qui est chaud. Et puis dernière information nationale, nos conseils pour appliquer de la crème solaire à un inconnu. Évidemment, il faut privilégier des personnes endormies sur la plage, de préférence de dos. Nous vous conseillons également de bien étaler la crème sur vos mains d'abord pour éviter le choc thermique sur la peau de l'inconnu. Prenez un indice le plus fort possible, au minimum 50, ce qui vous permettra de prouver votre bonne foi en cas de litige avec l'inconnu. Et si la manœuvre a été acceptée, pensez à lui réclamer 1 ou 2 euros, c'est toujours ça de gagner pendant les vacances. Et alors, est-ce que vous avez allié l'utile à l'agréable et est-ce que vous avez mis en pratique? Bien sûr, je suis allé à la plage des Deux Rives, à Nancy, oui. Et j'ai mis de la crème sur le dos des inconnus. Figurez-vous, je me suis pris que 3 baffes et 2 remerciements. Ah, quand même, ça fait plaisir. C'est sympathique. Félicitations. On passe tout de suite aux informations locales. Information, oula, j'ai mis le son un peu trop fort. Information locale, un forcené abattu à Corcieux. Il retenait en otage presque la totalité du village, en effet, ayant barricadé sa maison avec dedans le maire et le boulanger. Frédéric Brimbel, âgé de 27 ans, a dû être abattu par le groupe de chasseurs, maintenant l'ordre, au sein de Corcieux. On ne déplore pas de victimes supplémentaires, mais le boulanger aurait signalé vouloir augmenter ses prix en tant que dommages et intérêts. Et on comprend mieux cette démarche. Le groupe de mercenaires Sardou se forme dans les Vosges pour aller combattre le groupe Wagner en Ukraine. C'est pas moins de 20 mercenaires armé jusqu'aux dents et prêt à en découdre, qui se dirige vers l'Ukraine, non pas pour se joindre face à la Russie, mais pour défendre l'honneur de l'artiste Michel Sardou. Ne m'appelez plus jamais France restera encore quelque chose de fédérateur dans ce groupe. Ça m'en fait lâcher une larme. Tout à fait. Et enfin, le réchauffement climatique, l'accent de Provence sera enseigné et est enseigné même dans les classes des villages autour du lac de la Madine. Exactement. Si vous êtes passé vous rafraîchir à la Madine, vous n'avez pas pu passer à côté du son des cigales. Et face au réchauffement climatique, elles ne sont pas les seules à remonter vers chez nous. C'est dès le CP que les cours d'accent, d'accent PACA sont enseignés. Patrick Bosso serait même intervenu dans plusieurs classes. Un petit coucou à Patrick Bosso. Ça fait plaisir. Wow. Oui. Merci pour ce Flash Info, messieurs. On se retrouve pour le prochain Flash Info vers 18h30. Mais tout de suite, place à la météo. Oui. La météo. Aujourd'hui, le soleil chantera la cigale, rayonnera la galéjade sous une chaleur tropicale sans humidité. Le sauna durera encore jusqu'à la fin de la semaine, en tout cas pour le secteur Grand Est et Nancéen. La lune sera jaune et bleue en soutien à l'Ukraine dès cette nuit, donc n'hésitez pas à sortir bien sûr. On peut l'observer à tous les coins de France, j'imagine. Tous les coins de France, et je pense que la Creuse n'est pas épargnée non plus. D'accord. Très Elle bien. Est un peu en retard la lune quand même, parce que ça fait quand même... 4, ça fait un mois, moment, ouais, ça fait un moment parce qu'avant elle était sur. Il y avait un problème d'orbite ou je sais pas trop. Ah, d'accord. Ouais. Je sais que j'avais lu son communiqué, mais normalement c'est ce soir. Quoi. D'accord. Bon, très bien. Nous sommes un 28 juillet, un jeudi 28 juillet. Et qu'est-ce qui s'est passé un jeudi 28 juillet? C'est l'éphéméride de James juste après. Oh yeah! Bruno Mars! 24K Magic! 24K. Girls, what y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. Bruno Mars, 24K Magic. La matinale de 18h, l'émission à côté de la plaque. Il y a un petit coucou à Camille d'ailleurs, hein, qui nous a fait ses petits enregistrements avec Galon de l'émission La Voisinade. Et gratuitement, on l'a bien eu sur le coup. Là, on l'a bien eu, ouais. Quand on voit ce que les autres nous proposaient comme tarif. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Le 28 juillet, c'est la date d'aujourd'hui. Demain, ça aurait été l'anniversaire de mariage de mes parents. Mais malheureusement, on va pas parler de ça. On va parler de la date de naissance d'un homme, d'un patron, d'un maître, d'un bourlingueur, d'un empêcheur de tourner en rond. Évidemment, vous l'avez reconnu. Fabre d'Églantine. Oh, Fabre d'Églantine. Ah, oui. Nul besoin de le présenter, évidemment. Non. Philippe François Nazaire Fabre, dit Fabre d'Églantine, était un homme complet, c'était un homme tranché, bref, c'était un homme pain de mie. Ah oui. Voilà. Tranché, pain de mie. Voilà, okay. Oui. Complet et tranché. Là, Étienne, voilà, ou pas? C'était sympa. Ok, d'accord. Dans naissance à Carcassonne, hein, donc déjà là, on pose un peu le personnage. Hein, le mec est fort. Voilà. Pouvait s'attendre à une naissance à Montauban ou quoi, mais non. Lui, direct, bam, Carcassonne, on envoie directement. Il va au collège à Toulouse. Mais donc déjà très très chaud pour les haters. Hein, collège à Toulouse, il n'y en a pas grand monde qui l'ont fait. J'imagine que personne à cette table ne l'a fait. Non, moi personnellement, je crois que j'en connais un qui a fait un collège à Toulouse. Voilà, donc lui, il a déjà fait. Mais alors attention, il envoie du lourd, il apprend le grec, il apprend le latin, il apprend la musique, il apprend la peinture. Qu'est-ce qu'il apprend pas ? L'aéronautique, exactement, l'informatique et la techno. En techno, il avait Monsieur Tripier, voilà. Ah. Et donc ça, c'est donc déjà là, on a déjà posé le personnage. Et ensuite, c'est seulement maintenant qu'il devient comédien. Donc il a déjà ça. Et là, il dit, ok, j'arrête tout, je deviens comédien. Ok. Je suis bon partout, donc, je vais devenir comédien. Ouais. Okay. Il a pas fait d'études de comédie et c'est venu sur le tard, quoi. Non, mais bien sûr que non. Le gars, il avait ça de naissance. C'était Fabre d'Églantine, quoi. Fabre d'Églantine. FE, comme on le surnommait. Donc, il joue partout hein, dans le monde. Il joue à Troyes, il joue à Strasbourg, puis il joue à Maastricht, il joue à Liège, il joue à Hollywood, il joue où il veut, en fait. Okay. Il joue les pièces des plus grands, il fait du Molière, mais il fait également du Molière. Il a également fait les pièces de Molière. Donc... Il n'aurait pas fait Molière aussi ou... Je crois que j'ai entendu qu'il aurait fait Molière. Je regarde dans la liste. Oui, si, il y a du Molière également. Il y a du Molière, oui. Et donc là, ensuite, évidemment, pour quelqu'un comme lui, il y a l'onde de choc, le tremblement de terre. La Révolution française. Ah oui. La RF, hein, la Révolution française. Quelle année la Révolution française, c'est la mort de Kadhafi, c'est la même année, je crois. Voilà, oui, c'est ça, 2008. Et donc, alors, Fabre d'Églantine, FE, lui, c'était un fan de Révolution. Il était vraiment un aficionado de la Révolution. Il avait des posters dans la chambre, il connaissait toutes les chansons. C'était vraiment un dingue de la Révolution. Et il écrit des textes dessus. Il écrit, à des concerts et tout. Il écrit, il se dit, ok, je fais des fables, des vers, des poèmes et tout. Il est vraiment à fond. Il est proche de tous les people de la Révolution, les Danton, les Saint-Just, etc. Danton, il est vraiment proche. Voilà, la chance. Franchement, t'as vu, voilà, perso, il a connu. Fait un selfie avec Danton. Et attends, il y a une petite anecdote à la fin sur Danton. Ah bon, vous allez voir, ça va être exceptionnel. Et donc, voilà, il est avec tout le monde, mais malheureusement, il se fait rattraper par les haters et il se fait guillotiner en 1794. Ouais, couper la tête. C'était pas évident. Mais par contre, juste avant de mourir, c'est là que vient l'anecdote avec Danton. Ouais, attention. Danton, ouais. Juste parce qu'en fait, il s'est fait guillotiner en même temps que Danton. D'accord. Et le même boum, le même jour, bah, dans la même fournée, quoi, si tu veux. Ils enchaînaient, en fait. C'était genre tac, allez, en tweet toi, etc. Ouais. Est-ce qu'il était dans le même panier que Danton? Ah, la tête. Ouais, c'est ça. Ça, je sais pas, mais peut-être qu'aussi ils avaient deux guillotines parallèles, tu vois, pour tu sais, genre en broad, c'est genre ils se regardent sur le côté, genre rouillard, quoi. Ouais, voilà. Et alors Danton lui aurait dit la phrase suivante qui est vraiment exceptionnelle. Est-ce que t'es sûr de tes sources? Parce que moi je te coupe déjà. Alors, mais tout ce que j'ai dit jusque là, il y en a la moitié qui est faux, mais ça c'est vrai. D'accord. Et c'est vraiment sympathique. Ok. Il lui a dit: Ne t'inquiète donc pas, dans une semaine, des vers, tu en auras fait des milliers. Ah, excellent. Comprenez ou pas? Je l'ai. Les vers poésie, Etienne, les vers de terre. Etienne, ah, il a aussi, Etienne, bien sûr. Hein? Mais okay. Etienne, il connaît Fabre d'Églantine. Et il a vraiment dit ça pour de vrai? C'est la légende. Ils n'avaient pas mis, il n'y avait pas un journaliste. Moi, je pensais qu'ils allaient faire un jeu de mots, tu vois, genre dans ton panier ou des trucs comme ça, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux, le jeu de mots ou la galéjade, comme on dit, c'était pas trop le truc de l'époque. Donc voilà, c'était le destin tragique de Fabre d'Églantine. Ouais. Mais alors, le 28 juillet, c'est sa naissance, c'est sa mort? C'est juste sa naissance, ouais. Ah, d'accord, ok. C'est sa naissance. Et il est mort à quel âge? Il est mort un peu plus tard, quoi. Ouais, d'accord. Voilà, oui. Il est né. Il avait déjà quelques années. Oui, il avait déjà, ouais, eu des anniversaires. Il avait fêté des anniversaires quand il est mort, ouais. Ça c'est sûr. Oui, il avait eu le temps, la puberté était déjà passée. Ouais, disons qu'il avait déjà, par exemple, parlé, quoi. Il avait pas mal bourré. Ah oui, c'est chaud quand même. Je pense qu'il savait marcher en vrai, le gars. Donc il avait déjà. C'est pas la mort la plus. Genre, on s'y attendait pas. Il est mort quand même, tu vois. On se disait. C'est pas prématuré, quoi. Ce gars-là, il connaît, quoi. Il connaît la vie. Bon. Ouais. Merci beaucoup pour cette biographie sur. Fabre d'Églantine. Fabre d'Églantine. F.E. À jamais dans nos cœurs. Ah, forever. Et d'ailleurs, on dédicace personnellement Fabre d'Églantine, puisque. J'aime bien quoi. Il a écrit. Une chanson sur Fabre d'Églantine qui s'appelle Little Elle. On l'écoute tout de suite et on se retrouve après pour l'horoscope. Droite. Screaming and hollering. How can this love become? Qu'est-ce que c'est bon, Jamiroquai, Little L. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. L'horoscope de 18h sur Fadjet. Qu'est-ce que c'est bon, ah ouais. Ça, cet horoscope et cette voix suave de Gavin dessus. Hein. C'est solennel. Samir suit les poils. Comment ? C'est solennel. C'est solennel. Ouais, c'est clairement. On a envie de rien se mettre avec en le prénom. Hein. Non, parce que non, c'est Gavin. On a envie de se mettre en costume, oui. Et tout. Ouais, c'est vrai. Costume de quoi, personnellement ? Costume 3 pièces. Ok. 3 pièces, tu l'as mis où, la troisième pièce ? C'est le gilet. Ok, la queue de pie. Ah oui, bien sûr. Attention à vous. Queue de pie ou pas queue de pie ? On s'y connaît ici. Pas de queue de pie. Le kiff qui prend, le mec. Ah ouais, le kiff là. Hein, on est d'accord. On revient à l'actualité du moment. C'est l'horoscope d'Étienne. Étienne, bonjour à nouveau. Rebonjour. J'adore quand il parle. Tu es né un quel jour, Étienne ? Je suis né le 5 juin. 5 juin. Donne l'année. Oui. 2001. Le 5 juin 2001. Waouh. Ouais, t'étais vraiment un jeune trou du cul, en fait. Je pensais que l'émission était réservée au trentenaire. Il est né à ce siècle, ce millénaire même. Je pensais même pas qu'on en connaissait, mais bon. Un peu bizarre. Moi, je suis à 3 ans, donc ça va. Ah ouais, t'es né en 97, toi ? Je suis parti des vieux, moi, ouais. On a 10 ans d'écart. Mais ouais. De plus, je suis né en 2007, moi. Filou. Non, Genou, c'est pas vrai, arrête, menteur. Putain, mytho. On voit que tu fais du poker, toi. Gros mytho, quoi. Ouais. Enfin, bref. Mythomane. On est sur du Gémeaux avec Étienne. Ouais, on peut revenir sur Étienne parce Les Gémeaux. Étienne, c'est quoi ton actualité aujourd'hui ? Mon actualité. Ouais, tu sais ce que ça veut dire actualité ? Peut-être qu'on peut. Faire une petite définition. Ouais. Définition d'actualité. Alors, actualité, Jocelyn. Jocelyn va te faire son. Jocelyn, mon prénom. Voilà. Actualité, 2 points. Moment. Voilà. Qui se passe à l'instant présent. Voilà. Ou futur. Non, à présent, parce qu'il va ou dire futur. Qu'il a la radio. Oh, parce que j'avais une virgule. Enfin, c'est un point virgule. T'es chiant, ou futur, ou alors précédemment passé, mais de manière temporelle. Si tu veux, je peux reformuler la question. Ouais, qu'est-ce que tu bien. Vas faire ces jours-ci, Étienne ? Voilà, merci. En ce moment, là. Eh ben, c'est une très bonne question. Disons, qu'est-ce qui occupe ta vie ces jours-ci ? Ces jours-ci, je vais m'occuper de moi un petit d'accord. peu. Voilà, donc, s'occuper de l'auto-occupation. Clairement, voilà, il n'a ça. Strictement rien à faire ces jours-ci. Ou compris la question, en gros. Pas compris la question. Et si tu regardes ton horoscope d'aujourd'hui, je pense que tout est écrit dans l'horoscope, comme par hasard, et je fais vraiment un haro sur tous les gens qui pensent que l'horoscope ne sert à rien et que c'est une invention et que c'est un leurre pour que les gens dépensent leur argent de l'horoscope, parce que, voilà, je prends ça... C'est une machine à fric, hein, l'horoscope, faut faire gaffe, hein. Oui, mais ça dit la vérité, c'est ça, voilà. Gémeaux, je prends travail, agréable relation avec vos collègues, t'es bien là ou pas bien ? Oui. Et ben voilà. Très bien. Tu passes un bon moment, Étienne, là ? Je passe un très bon moment. Bien, est-ce que tu peux révéler ce que tu fais dans la vie ou pas du tout ? Ça t'embête ? Alors vas-y, vas-y. Il est un petit peu gêné. Ouais, ça m'embête. Alors vas-y, dis-le. D'accord. D'accord, okay. Voilà. Donc en fait, pour les auditeurs qui n'ont pas entendu, en fait, il est maître nageur à la plage des Deux Rives. C'est ça. Donc, du coup, voilà. C'est lui en maillot kangourou rouge. Est-ce que tu te serais fait masser par un inconnu ? Non, pas récemment, mais ça m'est arrivé il y a quelques années. Il y a quelques années ? Oui. Ah, vous n'êtes pas le premier, James. Non, c'est une pratique qui est très très répandue. Mon père le faisait, évidemment. Je sais. Bien évidemment. Et donc, il va bien s'entendre avec ses collègues. Eh ben, ouais, c'est ça. Et vous travaillez dans une ambiance très motivante. Est-ce que là, je t'ai posé une question et tu me réponds en toute franchise, est-ce que ça te donne envie de faire de la radio ? Ça, tout ouais, ça là, bah là ouais, actuelle, ouais, c'est, voilà. C'est sympa, c'est voilà. Rigolo. Voilà. Ah bah bien sûr. Voilà. Donc je relis, je resynthétise. Hein. Agréable relation avec vos collègues, vous travaillez dans une ambiance très motivante. Mmh. Bim, c'est tout, je lâche le journal par terre. Il n'y aurait pas des mots en plus motivante, si. Les collègues sont pareil, souvent formidables. On aurait pu le rajouter, ça n'aurait pas été déconnant. Manque de caractère. Peut-être juste un mot sur les auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient, comme Étienne, venir participer à l'émission. Ouais, n'hésitez pas à vous inscrire par papier libre. Vous envoyez à Fadjet, à l'adresse postale de Fadjet, oui. 27 rue Google, Charles III. Et vous dites, voilà, vous pouvez vous présenter, lettre CV, lettre de motivation, et on peut vous répondre et vous pouvez être invité comme ça, comme Étienne l'a fait pour participer à l'émission et avoir votre horoscope et votre vie en fait qui prend un tournant tout simplement en venant chez nous. Voilà. On parle d'amour ou pas ? Un peu. Allez, oh oui, amour, l'horoscope, l'amour, l'horoscope, vous êtes enfin dans une bonne phase. L'être aimé vous le confirme. Yes. Oh oui. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Louane. Et voilà. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est confirmé. C'est écrit, c'est mot pour mot. C'est Louane. Ouais. Wow. Et tu sais, si tu relis l'horoscope, relis-le. Comme par hasard, tu vois un L dans collègue, un O dans collègue, un U dans collègue, dans collègue aussi, un A dans travailler. Un N dans ambiance et un E dans ambiance. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait Louane. Ça fait Louane. Incroyable. Ça fait Louane. Finalement, attends, c'était écrit. Ça fait Louane. Ça fait Louane. Voilà. Mais attends, si je ne m'abuse. Il faut juste savoir lire. Oui, attends, je fais juste un truc. Mais dans collègue, il y a un L. Dans collègue, il y a un E. Et dans ambiance, il y a un A. Ça fait aussi Léa. Il n'y aurait pas quelque chose avec une Léa ? Tu connais une Léa ? Tu connais une Léa ? Ah, j'ai l'impression. Tu peux nous parler de Léa, s'il te plaît ? Okay. Ah non, sérieusement? Il nous l'a caché. C'est abusé ça. Ouais, en vrai, c'est chaud. Ah ouais, quand même. Waouh. Wow. Hein. Vis-à-vis de Louane, on ne mettra pas l'émission en ligne. Ne le criez pas sur tous les toits. Ça sera coupé. Ne t'inquiète pas. De toute façon, on n'a pas l'auditeur. Non, c'est tout. Et alors, voilà, la santé, tension aménagée. Alors, aménagée en deux mots. Quoi? Ah oui. Tension aménagée. Il faut ménager sa tension. Ouais. Attends, mais d'accord. Louane va savoir l'existence de Léa. Et son problème de tension. Ah oui. Clairement, ça va mettre du grabuge. Oh. Il va falloir ménager. Peut-être ménager à 3. Oh. C'est certain, effectivement. C'est certain. C'est certain. Oui, c'est certain. Merci beaucoup, en tout cas. J'espère que ça t'a éclairé. Est-ce que tu vois différemment maintenant les horoscopes, Étienne ? Ouais, je me sens plus en confiance pour mon avenir, mais j'étais déjà confiant avec les horoscopes. Waouh. Bon, ben voilà, on a prêché un convaincu. Voilà. Merci beaucoup pour ce moment horoscope. Je regarde juste l'heure qu'il est. Il est l'heure d'attaquer directement le journal. Hein. Ouais, on va attaquer le journal directement. On va voir si on défère l'invité politique après le journal, juste après Tom Jones. Je ne peux pas m'empêcher de passer à Tom Jones. Wow. Et Mousti, Sex Bomb. A tout de suite pour le journal. Yeah, you can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal. Uh-huh. And I can give it to you anytime it comes on my. Ow! Ooh. Second law. Yes, you are. You say that you are not all. Tom Jones and Moose T, Sex Bomb. La matinale de 18h. L'émission qui vous réveille sur Fadjet. Il est 18h30 passé, c'est le deuxième flash info de cette matinale de 18h. On continue toujours avec James pour les informations nationales et internationales. Une... Ah, alors attends, parce que je ne suis pas sur les bons titres, je vous demande deux secondes. Ils sont là, les débats à l'Assemblée sur le pouvoir d'achat interrompus par un violent orage. La séance a dû être suspendue car près de 410 députés s'étaient réfugiés sous leur pupitre. On entendait des pleurs et des cris d'horreur venant de tout bord de l'hémicycle. La présidente de l'Assemblée nationale a dû chanter une chanson apaisante pour que les esprits se calment. Les débats sur le pouvoir d'achat ont malgré tout été reportés à une date ultérieure. C'est vrai qu'on ne se rappelle même plus ce que c'est que la pluie. La doyenne de l'humanité française est sur le point de se faire rejoindre par une japonaise. Effectivement, âgée de 118 ans, Lucille Randon est en train de se faire rattraper par Kane Tanatoko, âgée actuellement de seulement 115 ans, mais qui a déclaré travailler avec son équipe pour refaire son retard. Ouais. Ce à quoi la française aurait rétorqué au micro de nos confrères de l'équipe « Qu'elle vienne me chercher, l'autre ». Les sites de, des sites de paris sportifs ont d'ores et déjà proposé un duel à mort au bridge entre les deux compétitrices. Et enfin, le télescope James Webb aurait trouvé des traces de moutarde sur une galaxie lointaine. C'est sur une planète de la galaxie P3X560, désormais rebaptisée la Dijon de la galaxie d'Andromaque, que le télescope aurait aperçu après un zoom très très précis. À la surface de la planète, des stocks de peaux de moutarde abandonnés et dont la date de péremption permettrait éventuellement un rapatriement en France dans les temps. Emmanuel Macron a déclaré préparer un corps expéditionnaire jusque là-bas pour sauver la nation. Une bonne nouvelle. Merci, enfin. Monsieur Président. On passe tout de suite aux informations locales avec Jocelyn. Une rumeur court à Nancy, comme quoi les travaux de la rue Jeanne d'Arc toucheraient à leur fin. Eh oui, c'est ce qu'a annoncé une résidente après avoir égorgé un rat face au rouleau compresseur, assurant qu'avec ce geste, la rue retrouverait son calme d'ici la fin de la semaine. Le célèbre astronome, mosellan Gérard Schrempf préconise de modifier l'orbite de la Terre pour avoir plus froid. Et oui, c'est le seul moyen de contrer le réchauffement climatique à coup sûr. Il aurait donné une technique simple. L'entièreté de la population devra sauter à pieds joints en même temps. Et toujours d'après lui, l'obésité en croissance augmenterait l'énergie cinétique et éloignerait la Terre de 3 degrés. Tellement évident. Et ça, ça marche. Hein. Bah, ça marche pour de vrai, ça. Gérard le dit. Si tout le monde saute en même temps, l'axe de la Terre se décale. C'est ça. Écoutez, vu que là, on est écouté au travers du monde, je propose une minute de tapage de manière à ce qu'on puisse être plus frais demain. C'est parti. Tu donnes un top ou... Oui, le voilà. Ah oui. Ah oui, ok. Ok. Et top de fin. Okay. Voilà, nickel, et tout de suite, moi je trouve qu'il fait plus frais. C'est vrai, c'est le meilleur. Il fait plus frais. On continue ce journal avec cette dernière information. Information véridique, le pâté lorrain élu meilleur pâté du monde par un jury de Lorrain. Et oui, Bertrand, Louis et Helmut, trois propriétaires de boulangeries nancéennes, se sont retrouvés pour élire le meilleur pâté du monde jeudi dernier. Et après des heures de délibération, le verdict est enfin tombé. Le pâté lorrain est encore élu pour la troisième année consécutive le meilleur pâté du monde. Comme une évidence. Je ne comprends pas nos amis qui, étrangers qui les ont autres patois, d'autres pâtés, bah, tout ouais. à fait, et qui sont manifestement moins et bon. Là, oui, moins bon. Et c'est un jury blanc, hein, c'est qui le dit. Merci Jocelyn ces informations locales. Tu gardes la main parce que c'est pareil. Toi qui vas nous présenter la météo. C'est ça. La météo. Aujourd'hui et sur toute la semaine, les températures iront de... Amsterdam. À... Norvège. Et oui, en effet, un pic d'UV est à prévoir à... 42. Donc, évitez de sortir sans... toilette. Et favoriser la crème indice chez vous. Eh oui. Merci à vous pour cette météo qui, j'espère, va vous aider. Donc, pensez bien à sortir avec votre indice. Chez vous. Oui, oui, oui. Indice chez vous. Alors, je passe la main aux auditeurs, mais aux chroniqueurs. Oui. On enchaîne avec les grosses fesses ou on enchaîne avec l'invité politique ? Ou showbiz ? Qui c'est qu'on showbiz, a invité qui alors là, c'est qu'on ouais, a invité, voilà, si tu showbiz maintenant. Ouais, ok, d'accord. Alors, ok, très bien. Mais alors, mettez-vous d'accord sur qu'est-ce qu'on lance derrière. Vu qu'on en a appelé deux, on va lancer une musique et on laissera voir les téléspectateurs, auditeurs. D'accord. Ce qu'on proposera. Ouais. Et ce que je propose, c'est qu'on laisse les micros ouverts pour ouais. Que les gens puissent écouter de... notre débat. Ouais. Bon, on laissera pas les micros ouverts là-dessus. Non, on laissera oh, pas. Non. Ça tape trop fort. J'adore ça. Green Day. Now you have me. I'm La matinale de 18h, l'émission qui est bien. 94 de Service Compris, les anecdotes de Rodolphe. Les anecdotes de Rodolphe, je n'ai rien trouvé de mieux comme jingle pour une catégorie qu'on invente là. C'est, on va préparer, là, on va faire un brainstorming live. Ouais. C'est le brainstorming de 18h. C'est le brainstorming de 18h. Voilà, par exemple. Live. Pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on modifie pour la rentrée. Alors, si vous voulez nous appeler, vous pouvez nous appeler en composant le 2, de manière à ce que vous puissiez nous aider à... Effectivement, oui. Voilà. À prévoir. Effectivement. À nous donner des pistes. Ouais, parce que clairement, on a enlevé le jeu auditeur. Parce que c'est vrai que c'était. C'était pas amusant, quoi. Non, ouais. Ouais, pour un fait, jeu. Pour là, on jeu. Est surtout. La réunion qu'on va faire là, c'est surtout pour vous intégrer, vous, les auditeurs, dans ce processus de création. C'est ça. C'est vrai que vous nous voyez de loin, vous dites, voilà, c'est des génies, comment est-ce qu'ils font. Et donc là, on avait envie de vous intégrer dans ce processus et de vous montrer comment est-ce que trois génies de la radio créent des choses ensemble et aboutissent à un projet fini et bien léché, quoi. Je rappelle, n'hésitez pas à nous appeler au composant le 2. De dièse, je crois. Vous êtes sur la file. Et d'ailleurs, c'était une des premières idées qu'on voulait intégrer pour l'année suivante, c'était d'intégrer des appels téléphoniques, des auditeurs. Un numéro vert. Voilà. C'est ça, tout bêtement. Un numéro vert où vous pourriez vous-même participer à l'émission et avec en point de mire éventuellement la faire et nous on arrête de tout simplement de la faire. Et ce serait le principe parce qu'on aurait quand même des parts, certes. Voilà, donc, on toucherait les royalties et nous on fait rien. Ouais. Donc clairement, moins de musique. Et plus de déconne, je serais tenté de dire. Plus de LOL, plus de fun, plus de Squeezie, plus de XD. Oh oui. Plus de XD, plus de MDR. Oh oui, j'ai hâte d'être l'année prochaine. Alors, Étienne, tu as écouté plusieurs de nos émissions. Oui. Qu'est-ce que tu verrais à tout. Améliorer par rapport à ce que tu as écouté? Me dis pas tout, parce que je vais te prendre mal. Et ne dis pas rien, sinon, pareil, on le prend mal. Ouais. J'allais dire tout. Tout? Ok, non. Alors quoi? Non. Non mais vas-y, clairement. Mais non, c'est une blague. Oui, c'est très drôle. Ouais. Il n'ose pas, évidemment, il n'ose pas nous critiquer. T'es invité des gens drôles la prochaine fois. Ipso facto. Je pouvais pas m'empêcher par rapport à cette blague. Merci. Encore, allez hop. Voilà. Alors peut-être un point d'amélioration, je me permets de devancer Étienne. Oui. Ça serait en termes de variété des bruitages. Ah oui. Parce que si tu veux, avec Jocelyn, on en a peut-être 4 ou 5 qu'on entend. Celui-là, il fait mal. Hein, c'est nouveau. Non, il est connu celui-là. Ah oui, on le connaissait, c'est vrai, on connaissait. Voilà. On avait compris, hein. C'est sympa, c'est super sympa, Tristan, c'est excellent. Il est très drôle. Il est très drôle, Tristan est... Voilà. Ouais. Alors, on peut aussi parler de la suggestion de Tristan à base de boule à facettes, peut-être. Boule à facettes, oui, c'est ça, moi. Oui, t'avais une idée là-dessus. J'ai bien aimé cette suggestion. Ouais. Pour appeler la déconne, tu avais proposé de ramener des flashs, des stroboscopes, des boules à facettes. De Rodolphe. C'est ça la boule à facettes? Non. Non. Non, c'était vraiment premier degré de faire un live Facebook et de dire ça s'appelle une boule à facettes, ça? La boule que tu mets en discothèque là. Ah oui, oh personne là, dit discothèque en 2022. Ça s'appelait comme ça. Ouais, on voulait reconstituer une boîte de nuit en fait. Ouais, oui, voilà, pareil, c'était ton idée, je comprends quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement, mais en plein jour. Et par exemple, et de faire un live effectivement sur Facebook. Donc on va s'attacher à faire une page Facebook et il faudra nous suivre les enfants. Ça serait impressionnant en plus. Hein. Personnellement, j'ai jamais été en discothèque, donc. Mais non, arrête. Alors que tu es DJ. Alors que je suis DJ. Profession. Mais je suis DJ. DJ. Ah oui, en visio. DJ. Moi, je suis DJ de profession en visio. Ah oui, d'accord. D'accord, très bien. Bon, synthétisons, parce que j'ai toujours pas entendu Étienne savoir ce que James faut parle changer. Tout le temps. C'est vrai, j'arrête pas. Merci Étienne pour cette analyse tellement fine et particulière. Mais cela dit, dans ce qu'il vient de dire, il y a quand même des choses à retirer. Enfin, j'ai envie de dire, il a pas tort. Ah oui, mais je voulais dire qu'il a raison. Quelque part, force est de constater qu'il a raison. Moi, je sais pas le dire au début, mais c'est vrai qu'il a raison. Il de Rodolphe. Il fait ce qu'il peut faire. Je pense que Étienne, il a le don de dire tout bas ce que tout le monde pense tout haut. C'est vrai. C'est vrai. Il chuchote régulièrement. Oui. Et par exemple, est-ce que... les anecdotes de Rodolphe. Ça, est-ce qu'il faut l'enlever ou pas, les anecdotes de Renaud? Non, ça c'est excellent. Non, ça. Okay. Je pense qu'il faudrait faire une émission où en fait on passe juste le jingle là en boucle. Ah ouais, ouais. Pendant ah oui, une heure. Clairement. Et depuis la musique, mais genre c'est que le jingle. Voilà, on revient. Les anecdotes de Rodolphe. Bon, ça va être horrible la force. Hein. Et on revient dans un instant avec le jingle, les anecdotes de Rodolphe. Voilà, tout à fait. On va enchaîner avec l'émission des Rosefest. Anecdote de Rodolphe. Eh non. Mais avant, Imagine Dragons. À fin du 94 débat. De service compris, les anecdotes de Rodolphe. Allez, Imagine Dragons, ennemi, et après c'est les grosses fesses. Ouh, c'est bon ça. Up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. For my phone and the laughter in the halls and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you you're the greatest, but once you turn to haters, oh the misery, everybody wants to be my enemy. I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock to cause catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking sack and pack it. Pack it up, I don't panic, batter up. Who the baddest, it don't matter, cause we is your everybody wants to be my enemy. Oh, c'est déjà fini, hein. Imagine Dragons. Oula, j'ai pas remis le son assez fort. Imagine Dragons, c'était Enemy. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Bienvenue à l'émission phare de cette matinale de 18h. J'ai un petit côté Pierre. On aurait dit Philippe Bouvard. Philippe c'était Bouvard. Vraiment du Bouvard ouais, là. Attends. Bienvenue à cette émission de 18h, les grosses fesses. On recycle Philippe Bouvard, mais sur Fadjet. On est que deux à le connaître ici. Donc ouais, je suis désolé. Moi, ouais. T'as pas la référence à Philippe Bouvard? Bah, Philippe Boulevard. Oui, Philippe Boulevard. Ouais, d'accord. Okay. Il fait rien, il me dit rien. Vas-y, et après, tu. Madame, monsieur, bonsoir. Ah oui, ouais. Philippe Bouvard. Question de madame Belle-Père de Loche. Ah ouais. Voilà, je suis triste de ne pas connaître. Hein. Il a fait des grosses têtes pendant plus de 30 ans à peu près, hein, avant que ça soit Laurent Ruquier qui reprenne. Et il y a plus de 30 ans. Mais non, mais il a arrêté il y a 10 ans. Et d'ailleurs, il continue une émission sur le week-end, sur, alors qu'il a 90 piges. Quoi. Voilà. Ah ouais. Non, ouais, c'est je fort. Connais pas tous les ans. C'est fort, France. C'est fort. C'est un grand monsieur de la radio, mais après, il n'a pas toujours été top, top. Voilà. Ouais, il était c'est assez dit. Assassin quand même, hein, comme bonhomme. Hein. Je crois que pour Aznavour, il avait dit c'est un mec qui n'a aucun avenir. Voilà. On sait ce qu'a été. Après, on se rappelle des mauvais paris, mais on se rappelle jamais des bons paris. Tu vois. Parce que il l'a dit aussi sûrement sur des tas de gens qui n'ont pas fait de carrière, et voilà quoi. C'est vrai. Il y a des tas de gens qui l'ont dit sur moi, par exemple. Ils ont tous eu raison. C'est vrai. Voilà. Aznavour, c'est pas Aznavour qui a parlé, c'est Boulevard. Tout à fait. Boulevard avait parlé de toi. Bouvard. Oui. Bouvard, comme le buvard, mais avec un O. Beaucoup moins bien que Boulevard. Ça, d'accord, ok. Ouais, je comprends mieux. On passe tout de suite à la première. Il est en mode automatique, tu sais, genre que. Ah, ok, je comprends mieux. Ouais, tout en regardant sur mon téléphone la première question. Ah là là, Étienne, bravo pour cette intervention. Et on passe tout de suite par la première question. Il y a eu lundi, alors pas ce lundi-là, lundi d'avant, un problème à la gare de l'Est. Est-ce que vous savez? Oui, la gare de l'Est a été paralysée lundi. Ouais, je sais. Je pense que lundi 18 juillet, à cause de quoi? C'est en voie 1, c'est parce que le train est arrivé à l'heure. Ah oui, surprenant. Les gens n'étaient pas prêts. Ils étaient encore en train d'attendre. C'est vrai que ça aurait pu être ça, où tout le monde a été déstabilisé et ça a paralysé tout le monde. On dit gros mouvement de panique dans le truc. J'ai pas le temps de prendre un café avant de rentrer dans mon train. Non, malheureusement, ce n'est pas c'est ça. C'est pas ça. Elle était à l'ouest. Et qui était à l'ouest? La gare. Ah, la gare de l'Est était à l'ouest et du coup tout a été paralysé. Bah, les gens n'ont pas compris. Attends, what the fuck? C'est à la gare de l'Est ou à la gare de Nancy? À la gare de l'Ouest. À la gare de l'Est. À la gare de l'Est, à Paris. À Paris. D'accord. À Paris. Ah oui, ça y est, je change de décor dans ma tête. À Paris. Je la vois, la gare de l'Est. Tu vois, belle. Qu'est-ce qu'elle est belle, la gare de l'Est. Alors, elle est bloquée pendant plusieurs heures et on connaît dorénavant la cause de cet arrêt total qui a provoqué une panne électrique. Voilà, je vous en dis un petit peu. Donc, on cherche une cause de panne électrique. Voilà, c'est ça et qui a provoqué la. Il y a un gars qui a branché son chargeur. Ah oui, un chargeur branché. Branchement de chargeur. Branchement. Un chargeur USB-C. Pour être alors, on est plus sur des causes animales, je vous aide. Hein, un furet. Non, mais c'est pas loin parce que ça commence par la même lettre. Un félin. Un flapin. Alors, un félin, non, un flapin. Un faucon. Un faucon. Est-ce que tu peux nous faire le flapin? Le flapin, ouais. Je suis le flapin. Voilà, on est sur le flapin mâle. Hein. Flapin mâle, ouais. Je ne fais pas la femelle. Le flapin femelle. Bah, je me suis entraîné, mais c'est pas encore exactement ça. C'est... Okay. Je suis la flapine. Femelle. Bah, elle précise toujours, je sais pas pourquoi elle fait ça. Mais... Et là, il faut que j'enchaîne. Elle a franchi les. Alors, on était sur le faucon. Tu as proposé le faucon, mais c'est pas loin parce que c'est un F et ça a des ailes. C'est fort. C'est hein. pas le faucon. C'est pas le faucon. Non. C'est pas le funambule. Ah, funambule. C'est un insecte. Est-ce que c'est un insecte? Fameux funambule. Est-ce que c'est un insecte? Non. Reste sur un. Alors, un fan. Un fan. Avec des ailes. Une fauterelle. Un fan avec des ailes. Eh ben non, c'est pas un fan avec des ailes. Putain, pas une fauterelle. Mais attends, j'ai du mal sur les animaux qui commencent par F. Un oiseau qui. Ah, c'est un flamant rose. Ah oui, mais non. Ah, le flamant rose. Je sais qu'il y a le réchauffement de la planète, mais il n'y a pas de flamant rose dans le lac de la Madine, par exemple. Non, on n'a pas ça. Ça aurait pu être un belge. Un belge, voilà. Non, c'est pas un belge. C'est pas un belge. C'est un oiseau. Un faisan. Un faisan, oui. Yes. Merci, c'est Étienne qui m'a mis sur la voie. Étienne m'a mis sur la voie. Merci, bien joué, bro. Alors oui, c'est un faisan et c'est dans un article de Ici. Alors je ne connaissais pas le... C'est pas loin, je crois. Le journal Ici. Non, ouais, c'est là, effectivement. Et ça a été bloqué. La circulation a été totalement stoppée pendant plusieurs heures en raison d'une panne électrique. La SNCF avait évoqué lundi un incident lié à un caténaire. Ce mardi, elle a donné les précisions sur l'origine. Et c'est lié à un choc avec un faisan. Alors, juste rien à voir, mais à chaque fois que j'entends le mot caténaire, c'est lié à une panne à la SNCF. Ouais. Du coup, en fait, je sais pas ce que c'est qu'un caténaire, mais je me dis pourquoi est-ce qu'ils les enlèvent pas? Parce que c'est tout le temps des. C'est ce qui permet de faire passer l'électricité. Ouais, bah enlève-les, quoi. C'est vrai. Et puis, profite de l'élan. Ouais, voilà. T'as le Bluetooth maintenant. Les voitures, elles fonctionnent sans caténaire, à ce que je sache. Les avions aussi. On est d'accord. Il y a que les trains qui sont là. J'ai besoin de mon caténaire. On est d'accord. Bon, mais c'est pas faux ce que tu dis. Moi, je pense que tu devrais appeler la SNCF. Mais je vais le faire. Un papier libre. Je finis cette émission et je les appelle. Tu finis cette émission et tu files au Finistère. Et c'est vous savez quoi, le faisan n'a pas été le seul animal à avoir perturbé le trafic ces derniers jours parce que le trafic du RERC a été fortement ralenti mardi, donc 19, entre le musée d'Orsay et Saint-Martin-des-Tempes en raison de quel animal? Un autre animal. Ah ouais, un autre animal. Donc, on fait un petit bac là sur les animaux. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est un animal qui rampe? Non. Après avoir percuté le train. Non. Est-ce que c'est un animal dont la morsure pourrait enlever un de mes mollets? Ah. Après t'as des petits mollets. Ouais. Non, j'ai des arêtes, j'ai des mollets. Mollets. Attends, mais t'as des mollets. Mollets. Mais regarde, j'ai du mollet, c'est du mollet. Galbé. C'est du. Les c'est blédis, du guimolet limite. C'est du guimolet. Alors, avec vraiment une bonne mâchoire, ouais. Ah ouais. D'accord. D'accord. Donc ça veut dire des dents. On est sur des dents. Voilà, un animal à dents. Un renard. Non, pas un renard. Un pandarou. Un pandarou, non, c'est beaucoup plus blanc. Juste en parlant de renard, j'ai une anecdote un qui n'est pas, pas très intéressante, mais en allant chez mon frère en Alsace ce week-end. Anecdote de Rodolphe. Ouais, j'ai ça exactement. Mmh. J'ai vu un renard. C'est vrai ? Il était dans un petit ruisseau comme ça. 94 de service compris, les anecdotes de Rodolphe. Et donc j'ai vu un renard, il était dans le ruisseau et il était beau. Il a flappé ou pas ? Je pense qu'il était en train de se réchauffer. Et tu sais quoi, le renard, c'est pas très loin de l'animal blanc qu'on cherche. La belette ? Non. Une hermine. Non, mais ils se croisent des fois, je pense. Un lapin. Ah, le corbeau. Corbeau blanc. Ouais. Corbeau le blanc. Fameux corbeau albinos. Eh oui. Non. White corbeau. Un loup. Un loup. Ah, si Monsieur Seguin était là, il aurait déjà répondu. La chèvre. Effectivement, c'est une chèvre. Tu sais faire la chèvre ou pas ? Non, mais je sais que Tristan la manie très très bien. Bah. Ah, autant pas mal. Pas mal. Ah, on est quand même. Seguin. Voilà, c'est ça. Et alors, je reste toujours sur cet article du quotidien, je ne sais pas si c'est quotidien, mais du journal ici. En 2017, il y avait eu la ligne de tramway A3 qui était interrompue en raison de la présence de quel animal ? Et alors là, si vous trouvez... A3, c'est pas une autoroute ? C'est machin là, quoi. Une baleine. En 2017. En 2017, non, mais des c'est complètement volantes, exotique, effectivement. Un flamant rose ! Alors ouais, mais non. Par contre, ça, je pense que ça boufferait les flamants roses. Quoi, un boa constructeur? Que un boa constructeur? Non. Une panthère rose. Alors on n'est pas loin. Un léopard? On n'est pas loin. Un jaguar? On n'est pas loin. Un guépard? On n'est pas loin. Un lion? Oui, un lynx, un tigre. Ah oui, un tigre. Oh là là. Un tigre qui était sur la voie du tramway. Et l'animal s'était échappé d'un cirque du 15e arrondissement. Voilà. Alors, plus récemment, il y a eu un renard qui s'est retrouvé sur les voies de la ligne 8 du métro. Classique, ça, c'est le classique. Ouais, mais enfin, je veux dire, si le renard commence à faire n'importe quoi, on ne s'en sort plus. C'était entre les stations Liberté et Porte de Charenton. C'est sûrement quelqu'un qui a le mal de mer et qui a posé un renard. Ça doit être ça, effectivement. Voilà. Effectivement. C'est une expression. Ah, oui. C'est une expression Poser un renard. Ah, oui, poser un renard. Un mal de mer, oui. Ah d'accord, je ne savais pas. Est-ce que vous en voulez une deuxième avant qu'on clôture cette émission ? Pas avec un animal mort, mais comment ? Pas avec un animal mort, mais ouais. D'accord. Je veux dire une autre question. Et ben pour lancer cette deuxième... 94 de service compris, les anecdotes de Rodolphe. Je préférais la chute de corps. Ouais, les anecdotes de Rodolphe, je pense que ça peut être sympa, effectivement, comme pour les grosses fesses. Comme running gag. En Chine, il y a un problème d'endettement des promoteurs immobiliers. Vous êtes au courant ? Bien sûr. Autour de cette table. C'est la muraille Etienne, qui a fait l'inflation. Tu peux en parler, je crois, d'ailleurs. Tu as été confronté à cette situation. J'ai été confronté, bien sûr. Non, ne réponds pas exactement à ce que je viens de te dire, mais développe ce que je viens de te dire, s'il te plaît. Avec un accent chinois. Avant, hein. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Non, on n'a pas le temps. et alors, du coup, avec quoi vous pouvez... Appartement, c'est écrit. Alors, le titre, c'est « Du Monde ». C'est du monde, hein. Ouais, c'est du monde. Appartement à vendre, les promotions désespérées des promoteurs immobiliers. C'est ça, c'est le titre. D'après vous, vous pouvez payer avec quoi vos premières échéances de prêt quand vous achetez un appartement en Chine ? C'était pas la question la plus facile à comprendre de l'histoire. Il y a combien de verbes dans ta question ? Voilà. Donc on peut payer avec quelque chose, il faut qu'on découvre quoi ? Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Les promoteurs. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la Chine trouve que les promoteurs immobiliers sont trop endettés, donc ils réduisent l'endettement, ils plafonnent l'endettement des promoteurs immobiliers, donc il leur faut des sous. Et ce qu'ils proposent, c'est à leurs nouveaux propriétaires. De payer en amont et de payer avec quoi ? Des kirigoutés, j'avais dit, mais je crois que t'as pas répondu. Alors, c'est pas loin des kirigoutés. Est-ce que ce sont des cailloux ? Non. Est-ce que ça se mange ? Oui. Est-ce que ce sont des féculents ? Ah ! Alors, est-ce que j'ai des féculents dans la liste ? Est-ce que c'est du riz, en fait ? Alors, c'est pas du riz. Ouais. Avec des denrées, avec des matières premières, comment on appelle ça ? Les pommes de terre. Les pommes de terre de première nécessité. Alors, j'ai pas pommes de terre. Tu as du riz, des céréales. De la farine. Là, par exemple, la moutarde, ouais. La moutarde, oui. Ils ont quand même recueilli combien de tonnes? 430 tonnes d'un truc. Est-ce que c'est de la sauce béarnaise? Chinoise. Sauce béarnaise chinoise. Oui. Non. Il y a de l'estra... Non. Il y a du dragon dedans. Non, l'huile d'olive pugée. Alors, non, mais tu peux avoir des huiles olives pugées qui peuvent être aromatisées à ça. Safran. Est-ce que c'est du wasabi? Non, non, c'est vraiment... Enfin, on en a ici. Du chien? Et est-ce que c'est du pâté lorrain? Oh, mais je vais être obligé de donner la réponse. Hein, oh mais, non. Mais, vous en trouvez en condiment. Du sel. Vous pouvez en acheter en gousse. Ah, les cornichons. De l'ail. De l'ail, oui, de l'ail. Effectivement. Oh. Vous pouvez payer. Alors, si, en fait, ils ciblent les propriétaires qui sont en même temps paysans. Donc, ils et se sont. Ils sont pas payés, des vampires aussi. Parce que par les vampires, ils peuvent pas payer que de par l'ail. Par des c'est pastèques. Vrai. Pas évident. Et par je sais plus quoi d'autre encore. Les par, je ne retrouve l'eau. Plus. Mais voilà, pour contourner, ils acceptent le blé, ils acceptent les pêches. Voilà, à partir du moment enfin bon, si les promoteurs immobiliers n'ont plus de blé, c'est pas évident. On terminera là-dessus cette émission. Merci pour vous. Merci, chroniqueur, vous êtes tellement fort. Oui. Ah non, c'est pas ça que je vais mettre. Dommage, ça. C'est mon bête préféré. C'est vrai. C'était la dernière émission de notre saison autour de cette table. J'avais Jocelyn et non pas Jonathan. Et non pas j'avais Jonathan. Étienne, notre stagiaire préféré. James. Ouais. Ah, merci. Voilà, on se retrouve en septembre. Merci Tristan. Ah ben merci à vous. Bah oui. Avec plein de nouveautés, plein de choses que l'on va mettre en place. Et on en a débattu tout à l'heure, donc. Voilà. Voilà. Peut-être de nouvelles voix aussi. Oui, des voix féminines, par exemple, voilà. Qui nous manquent. Exactement. Après, on peut travestir nos voix. Hein. Voilà, effectivement. James, je te fais passez très un bon coucou. Salut. Ciao tout le monde. Bisous, bon été. Ciao.